bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, bienvenue au Lobster 141.0. Ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai pas fait de lobster. La raison est simple, j'ai une nouvelle passion. Et quand j'ai des nouvelles passions, qu'est-ce que je fais? Ben, j'investis mon argent dans ma nouvelle passion et je perds mon temps dedans. Et qui fait que il me reste pas beaucoup de temps pour enregistrer le lobster. Mais là, ce week-end, je prends le temps pour en enregistrer un et je vous parle de cette nouvelle passion. Et oui, c'est durant le temps de Noël, ma copine m'avait donné comme cadeau... C'était un kit pour faire de la broderie. C'est quand on était allé ensemble chez Homère de Serre, je lui avais montré quelque chose que j'aimerais essayer. Ça s'appelle Punch Needle. C'est une technique de broderie qui nécessite pas de broder à l'avant et à l'arrière d'un tissu. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Donc, c'est comme un poinçon que tu as en main dans lequel tu passes ta laine. Le poinçon, il est comme ça ressemble à un crayon, puis dedans, il est vide. Avec un fil, tu passes ta laine dedans et dans le bout de l'aiguille, tu repasses ton fil. Et ensuite, tu prends du tissu. C'est le tissu qui fait avec le punch needle, ça s'appelle tissu de moine. C'est un tissu qui est tissé assez serré, mais qui est plein de trous dedans. Donc, tu as juste ensuite à prendre ton poinçon et à piquer dedans. Puis quand tu ressors ton poinçon, la laine reste prise dedans. Donc, ça évite d'aller devant, derrière, qui est très long. Là, tu as juste à poinçonner un coup devant, puis tu continues. Fait que toc, toc, toc, toc, toc, tu vois, ça prend 2 secondes, puis là, tu fais des bouts, tu fais des arbres, tu fais ton paysage. Fait que c'est très le fun à faire. J'ai découvert ça durant le temps de Noël. Ma copine m'avait donné un kit qui contenait comme un cerceau en bois, en bambou, dans lequel on mettait le tissu de moine, et mon dessin, c'était un monsieur avec une pipe dedans, il était déjà dessiné, puis il fournissait la laine dans la boîte. Donc, je l'ai tout. Ça m'a pris 3-4 heures à faire. C'est 8 pouces par 8 pouces. Puis après ça, je l'ai encadré. Puis là, une fois que j'ai eu fait ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Là, j'ai dit, bon, là, on s'équipe. Donc, 300-400$ plus loin d'achat chez Homère de Serre, chez Walmart. On s'est acheté de la laine. On a commandé des poinçons. On a commandé je sais pas combien de pieds de tissu. Bref, on a tout ce qu'il faut maintenant. Puis là, on s'amuse là-dedans, ce qui prend beaucoup de notre temps. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait, après avoir fait le monsieur, j'ai fait une toile où ce que c'est encore 8 pouces par 8 pouces environ. C'est des poissons qui nagent dans l'eau. Ensuite, j'ai fait le gnome à mon frère. Bon, le gnome, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est un de ses dessins qu'il a fait quand il était jeune, qui est vraiment pas beau. C'est un bonhomme, comme un nain, là, c'est un gnome, mais il a les yeux croches. Puis le dessin est fini, mais on dirait qu'il y aurait encore besoin de travail. Bref, mon frère m'a donné ça une fois à Noël. Il a encadré ça, son vieux dessin lettre. Puis moi, je pognais avec ça. Ben, le cadre est beau, par exemple. Je pognais avec ça dans ma cuisine. Je l'ai mis là. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calqué son gnome. Puis là, j'ai refait en laine. Fait que là, il est tout beau. Puis là, je m'amuse avec son gnome. Je le mets dehors des fois avec des amis. Je prends des photos. Fait que je l'amène un peu partout. Puis je le mets en scène, là, puis je m'amuse avec ça. Bref, j'ai fait le gnome. Ensuite, j'ai fait un autre petit monstre, plus petit, 5 pouces par 5 pouces. Ça, c'est des affaires qui prennent 2-3 heures à faire. Même pas. Un petit monstre, là, ça prend 1 heure à poinçonner en laine. Puis le résultat est magnifique à la fin. Puis une fois qu'on a eu testé ça, là c'est là qu'on s'est lancé dans les toiles un peu plus grandes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chez Renaissance, on s'achète le plus beau cadre qu'on trouve, qui nous coûte 15 à 20$. On enlève la toile qu'on met à poubelle. Puis là, nous, on prend notre tissu, puis on le broche derrière la toile pour qu'il soit bien tendu. Puis souvent, on le bloque aussi avec des bois là, pour qu'il ne rebouche pas. Puis là, on dessine notre dessin au crayon plomb, ce qu'on veut faire. Puis là, on poinçonne. Fait que là, moi, le plus gros que j'ai fait, qui est encadré, qui est dans ma chambre, au-dessus de mon lit, c'est j'ai fait un paysage du chalet. J'ai fait le chalet avec mon père qui est sur son tracteur rouge, avec ma mère qui est dans ses rosiers. Il y a un beau paysage d'automne derrière. Il y a la rivière aussi devant le chalet qui est comme en 2 dimensions parce qu'on voit les poissons dedans que j'ai fait. Et derrière le chalet, ben, il y a la roche à crotte avec des lutins qui tournent autour. Bon, la roche à crotte, je pense que j'en ai déjà parlé dans le Lobster, là, mais je peux toujours en reparler. La roche à crotte, c'est l'endroit que mon frère a comme béni. Là, c'est... non, pas béni, là, mais c'est qu'à un moment donné, mes enfants, ils voulaient faire une cabane dans le bois. Puis le plus beau spot, ben, c'était à côté de cette grosse roche-là. Mais là, mon frère nous a dit, ben, c'est là que je fais caca quand je me tente. Fait que... qui avait comme condamné la roche. Fait qu'on l'appelle la roche à caca, fait qu'on peut rien faire proche de cette roche-là. Bref, j'ai fait un gros... j'ai fait un gros paysage avec ça. Ensuite, là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ça s'appelle le Mons de Périgny. Périgny, c'est l'endroit où est notre chalet. Fait que la toile est quand même assez immense. Elle mesure 1, 2, 3, 3 pieds, 4 pieds par... 1, 2, par... Donc, 4 pieds par 3 pieds. Ce qu'on voit, il y a un gros monstre brun qui est debout dans les pieds dans l'eau. Il ressemble à Cthulhu au niveau de la bouche, là, il y a comme des tentacules. Derrière lui, beau paysage d'automne avec des montagnes, avec un ciel bleu. Ensuite, du côté gauche, il y a un arbre avec un lutin caché dans le bois. Du côté droit, un lutin qui regarde le monstre avec un gros arbre dans lequel il y a la maison du lutin avec porte, avec des fenêtres et des volets. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on achète des fois de la laine qui est plusieurs couleurs. Donc à mesure que la laine qu'on punche avec, elle change de couleur. Donc par exemple pour mon ciel, là il y a plusieurs couleurs. Mon ciel il est blanc, bleu pâle, bleu un peu moins pâle, puis bleu foncé. Mais ça c'était juste une grosse balle de laine qu'on a acheté, peut-être disons 12$. Puis on poinçonne le ciel avec ça, puis à mesure qu'on avance, ben là ça fait comme des nuages seuls sans qu'on ait à faire. Fait que voilà, c'est ça la nouvelle passion, c'est ça qui occupe mon temps en ce moment. Nous, on fait ça, moi puis ma copine, les deux, on adore faire ça, puis le soir, souvent, on fait du punch needle en écoutant nos séries Netflix. Donc, ça explique pourquoi il n'y a pas eu de Lobster dernièrement. Parce que là, j'avais commencé à enregistrer le Lobster 141 de Noël, il est comme à la moitié enregistré, c'est un numéro spécial avec... Foxy Mox, ouais, c'est ça. Puis là, tantôt, ça me tentait pas de faire la fin d'un épisode de Noël, là. Dehors, il fait 6 aujourd'hui, fait qu'il fait beau dehors. Je suis un petit peu moins dans l'ambiance de Noël. Donc, je me suis dit, je vais enregistrer un Lobster normal. Dès que j'ai fini le Lobster de Noël, ben, je le sortirai. Donc, voilà pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? On part en musique. Là, on va passer la chanson que mon ami Martin m'a envoyé dans Facebook, une autre chanson. Je l'ai sur mon cellulaire. Je vous dis ça au retour, c'était quoi la chanson, mais c'est une chanson de quel groupe? J'ai oublié le nom du groupe. Donc, on écoute la chanson à Martin. Au retour, je vous donne le nom. Et au retour, on parle de plusieurs choses. J'étais allé dernièrement à la boutique Comic Hunter. Je suis revenu avec plein de stocks, plein de bandes dessinées, plein de choses dont je veux vous parler. Et je vous parle aussi au retour pourquoi j'ai mal au ventre. Et oui! C'est à cause d'une épicerie, je vous dis pourquoi au retour. Skippers in the wardroom drinking gin. Hey yo, chicken on a raft. Yeah, don't mind knocking, but I ain't going in. Hey yo, chicken on a raft. Jimmy's laughing like a drain. Hey yo, chicken on a raft. Been looking at comic cuts again. Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The dap toes forward and the dustman aft. Sitting there picking at a chicken on a raft. Chicken on a raft, oh yo, chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft, oh yo, chicken on a raft. They gave me the medal in the forenoon too. Hey yo, chicken on a raft. Now I'm pulling in the whaler's crew. Hey yo, chicken on a raft. Seagull wheeling overhead. Hey yo, chicken on a raft. I ought to be flogging in a feather bed. Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The dap toes forward and the dustman aft. Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. We kissed goodbye on the midnight bus. Hey yo, chicken on a raft. She didn't cry, she didn't fuss. Hey yo, chicken on a raft. Am I the man that she loves best? Hey yo, chicken on a raft. Or am I just a cuckoo in another man's nest? Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The dap toes forward and the dustman aft. Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, Amazon girl lives in Dumfries. Hey yo, chicken on a raft. She only has kids in twos and threes. Hey yo, chicken on a raft. Her sister lives in Mary Hill. Hey yo, chicken on a raft. She says she won't, but I think she will. Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The dock closed forward and the dustman aft. Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. Hey yo, chicken on a raft. Oh yo, chicken on a raft. Well, it had a little girl in Donnie B. Hey yo, chicken on a raft. And did she make a fool of me? Hey yo, chicken on a raft. Her heart was like a puzzle shore. Hey yo, chicken on a raft. From hot to cold in a quarter of an hour. Hey yo, chicken on a raft. Chicken on a raft on a Monday morning. Oh, what a terrible sight to see. The dock toes forward and the dustman aft. Sitting there picking at a chicken on a raft. Hey, yo, chicken on a raft. Oh, yo, chicken on a raft. Hey, yo, chicken on a raft. Oh, yo, chicken on a raft. De retour dans le Lobster 141.0, on vient d'écouter la chanson de mon ami Martin. C'était sa suggestion, c'était Chicken on a Raft du groupe Hail Storm. Donc, on a écouté ça, et maintenant, je voulais vous parler pourquoi j'ai mal au ventre ce matin. On est dimanche matin. Hier, en allant à la boutique Comic Hunter de Montréal, je suis arrêté en revenant chez TNT Market. Je pense que j'en ai déjà parlé. TNT Market, c'est quoi? C'est la plus grosse épicerie asiatique là, au Canada. Ben, groupe d'épicerie asiatique. Puis on a un de ces magasins-là qui est situé, je pense, dans Saint-Laurent. Puis quand je vais à la boutique Comic Hunter, c'est un peu sur mon chemin pour arrêter. Donc, je suis arrêté. Puis là, surprise, ben, il y a plein d'affaires qui sont liées au Nouvel An chinois. Là, il y avait plein de cadeaux. Le Nouvel An chinois arrive le 10 février, je crois. Attends, si je vérifie. Nouvel An chinois, quand est-ce qu'il fait ça? Nouvel An chinois? Oui, oui, oui! Samedi 10 février. Bon. Puis là, il y avait plein de boîtes cadeaux. Il y avait plein d'affaires en plus de toutes les cochonneries qu'on ne reconnaît pas dans ce magasin-là. Bref, je suis revenu avec tellement de fruits que j'ai mangé ça toute la soirée hier. Puis ce matin, bon, j'avais mal au ventre. Fait que j'ai passé un peu mon avant-midi à la chambre de bain. Mais bon, qu'est-ce que j'ai ramené? Bon, en ce moment, c'est le temps des litchis. Donc, vous savez, là, c'est genre de fruits qui sont comme roses. Puis tu arraches le dessus, puis là, tu suces dedans. Là, puis il y a comme une chair là, blanche avec un noyau qui est délicieux. La chair qui est délicieuse. Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai ça aussi, des longanes. Les longanes, c'est un peu comme des litchis. Mais au lieu d'être rouges et avec des pics, ceux-là, ils sont bruns. Puis c'est la même chose un peu que le litchi. Le longan, ça veut dire œil du dragon parce qu'ils sont un peu jaunes puis ressemblent à des yeux. Bon, là, si je regarde sur le wiki, c'est quoi que ça dit? Bon, ça dit que c'est un peu comme le litchi, ça pousse en Chine, en Asie du Sud-Est, où on le trouve à l'état naturel. Donc, chez TNT Market, il y en avait plein là, dans un rack. Eux, ils amènent comme les branches au complet, puis nous, on les défait, puis on ramasse juste les longanes, pour pas payer pour la branche. Là. Mais c'est ça, ça pousse, c'est comme une branche, puis il y a une trentaine de petits fruits comme ça. Puis qu'est-ce qu'on fait? J'en mange un. Là, je viens de mordre le bout. Puis là, j'aspire la chair blanche. Puis je recrache un petit noyau qui est super beau. J'ai essayé ces noyaux-là de les faire sécher puis de les faire pousser. J'ai pas réussi encore. Mais encore une fois, je vais en ramasser. Je vais ramasser ceux des litchis puis ceux des longanes. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre aussi? J'ai ça devant moi. J'ai acheté un pamplemousse. Bon, ça c'est de la gaspille environnementale, hein. Mais le pamplemousse est enveloppé dans un gros emballage en plastique. Et dans l'emballage en plastique, il y a un pamplemousse qui est enveloppé dans un papier d'aluminium qui lui est doré jaune. Et dedans, j'ai un beau pamplemousse tout en forme, tout en santé. Je vais le remettre dans son chose pour pas qu'il perde son jus. Mais ce qu'on dit de ces pamplemousses-là, c'est qu'ils sont... Il goûte plus... Ah non, c'est ça, il goûte moins le moins acide que les autres pamplemousses. Bref, j'ai payé 2,50 pour avoir un pamplemousse qui goûte un peu moins piquant qu'un pamplemousse normal. Mais ça, ça a l'air d'être pour donner en cadeau au Nouvel An, là, de la manière que c'est empaqueté. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Là, j'ai ici à côté de moi. Puis ça, ces fruits-là, ils sont tous enveloppés puis ils ont tous des beaux petits, des petits rubans. Parce que j'ai l'impression que les Chinois, ils se donnent beaucoup de cadeaux de nourriture. Parce que c'était fou, là, quand on rentrait chez TNT Market, il y avait, évidemment, il y avait le gros dragon jaune là, pour le Nouvel An qui était là sur... il l'avait mis là en décoration. Puis là, c'est ça, il y a plein de boîtes spéciales. Attends, c'est où ma boîte? Attends. Moi, j'ai acheté une boîte qui contient, c'est marqué « Pomelo au miel, produit de la Chine ». Donc, c'est une boîte qui coûtait 8$. Puis dedans, j'ai deux gros pomelos. C'est des pomelos de quelle couleur? Pomelo rouge, rubis. Fait que ça, j'ai deux gros pomelos qui sont dans une boîte à manger. À côté de moi, j'ai un pomelo, lui, qui est tout seul, qui est enveloppé, qui a une petite décoration, une petite boucle. Lui, il est comme encore plus gros que ceux qui sont en boîte. Il doit peser 2-3 livres. Il est immense. Puis dessus, il y a un beau collant qui dit quelque chose en chinois. Ça doit dire « Hong Hong ». Voilà. Fait que ça, c'est une autre chose que je veux manger. En tout cas, j'ai trois pomelos à manger. J'ai tout mangé déjà, mes litchis, mes longanes, j'ai mangé la moitié. J'avais acheté plusieurs livres, mais c'est pour ça que j'ai eu mal au ventre. Hier, j'ai tellement mangé de litchis. J'avais acheté un gros boc, chose en plastique rempli de litchis. C'était délicieux. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté un autre sac cadeau, qui lui, c'est encore pomelo. Là, au lieu d'être le pomelo rubis, là, c'est pomelo rouge. C'est une autre sorte. Pourquoi j'ai acheté autant de pomelo? 1, 2, 3. J'ai 4 pomelo. Lui, il est moins gros que mon jaune. Mais lui, c'est un rouge. Mais ils sont tous enveloppés dans des sacs, je pense. Puis tout recouvert de plastique pour éviter que le liquide dedans s'évapore. Comme ça, il reste frais longtemps. Fait que là, j'ai un autre pomelo rouge à manger. Puis c'est quoi l'autre chose que j'avais acheté? Ah oui, j'ai acheté des poires de Chine qui sont sont délicieuses. Ils sont comme la chair est blanche dedans, puis c'est rempli de jus. Donc voilà, ça c'est mes achats chez TNT Market. TNT Market, je pense que je n'ai déjà parlé un peu là, mais quand tu rentres là, c'est une épicerie qui a toutes sortes d'affaires qui viennent du Vietnam, de la Chine, d'Asie, tous des produits que nous on n'a pas. Il n'y a pas nos produits à nous là-dedans. Je suis revenu avec des... Bon, c'est sûr que je vais souvent quand même dans les épiceries asiatiques là, ou dans le quartier chinois. Donc, c'est pas surprenant tout le temps ce que je ramène. Là, mais comme là, j'ai ramené des cannes de jus de noix de coco. J'ai ramené à mon garçon qui aime bien les soupes ramen. Ça, c'est comme le paradis de la soupe ramen, là, TNT Market. Il y a une section, il y a une allée juste de ça. Puis là, évidemment, à chaque fois, vu que tout est écrit en chinois... on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, des fois, ils collent une étiquette en français, là, mais des fois, c'est tout croche. Là, donc, la langue française, l'office de la langue française devrait aller se mettre le nez là-dedans. Là. Tout n'est pas étiqueté comme la loi l'indique. Là. Mais bref, je reviens avec... Souvent, j'achète des soupes ramen à mon garçon. J'achète des plats. Puis là, il y en avait en spécial, c'était deux bols pour 5$. Puis dedans, c'était pesant. Le bol est pesant. Puis j'ai dit à mon gars, tu essaieras voir si c'est bon. Puis il en a mangé un cette nuit. Puis ce matin, j'ai demandé si c'était bon. Puis il m'a dit, c'est dégueulasse! Fait que dedans, il me dit qu'il y avait 7 sachets, des nouilles spéciales bizarres. Puis quand j'ai jeté le liquide, parce qu'évidemment, mon garçon m'a laissé comme cadeau le bol encore rempli sur le comptoir. Donc ce matin, j'ai vu que dedans, il y avait des genres de pois chiches là-dedans, en plus des nouilles. Il m'a dit que c'était bien trop épicé. Bref, bon, je suis pogné avec 3 autres bols de ça. On fera essayer à d'autres enfants, voir s'ils aiment ça. Puis sinon, j'en ai acheté aussi des gros bols. Puis là, c'est marqué, ceux-là, il était étiqueté saveur de bœuf. Là, il en a mangé un tantôt, puis il m'a dit qu'il était bon. Fait que là, je suis correct avec ceux-là. Donc, c'est ça. À chaque fois qu'on va là, c'est surprise, surprise. On essaie des choses. Moi, j'ai ramené des bonbons chinois qui sont dans un petit bocal en métal, juste parce qu'il y avait comme... Ça ressemble à une flasque d'alcool, mais là, c'est une flasque de bonbons. Tu l'ouvres, puis t'as des bonbons. C'est cute. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? J'ai ramené de la sauce soya. À chaque fois, j'essaye une nouvelle sauce soya pour les sushis. Parce qu'il y a des... Je sais pas si vous avez vu une émission sur Netflix qui montre comment ils font les sauces puis comment ils font les produits. Ben, en tout cas, nous, souvent ici, dans les épiceries GA, Métro, c'est la sauce soya standard, là. Mais il y a vraiment d'autres sortes de sauce soya qui coûtent différents. Puis c'est pour ça que j'en essaye à chaque fois que je vais chez TNT. J'en ramène une bouteille nouvelle. Fait que là, la bouteille que j'ai ramenée, c'est écrit zéro dessus. Puis il n'y a aucun... C'est juste des graines qui ont été fermentées de soya. En tout cas, j'ai hâte de l'essayer. La dernière que j'avais achetée... pardon, la dernière que j'avais achetée, dans le même genre, la sauce était comme plus épaisse. Puis elle était délicieuse. Mais là, j'ai pas retrouvé, évidemment, la bouteille. Fait que j'ai essayé un autre dans le même style. Donc, c'est pas mal ça pour TNT Market. Je vous invite, là, si vous êtes dans le coin de Montréal, arrêtez de faire un tour. Il y a même la section des fruits de mer, c'est merveilleux. Là. Je pense que je vous l'ai déjà dit, il y a des immenses crabes royales, il y a la je pense que c'était crabe royale, puis il y a la palourde aussi qui est là, qu'on avait vu là, dans l'émission de Francis Reddy, puis Boucard Diouf, là, qui crache de l'eau. Là. Ben, eux autres, ils en ont dans un gros bocal. C'est immense, puis elle est toute vivante, elle bouge, c'est magnifique. Ils ont plein de sortes de poissons, il y a de l'anguille, bref, bon. Moi, je suis vendu à cette épicerie-là. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Il y a aussi, ils vendent. Tu sais, nous, on achète de l'ail. Ben, moi, je dis de la ciboulette, là, mais c'est de l'ail vert, là. Non, de l'oignon vert à l'épicerie. Nous, au maximum, à mesure un pied, là. Mais là, eux, la partie blanche est toute petite, mais là, j'ai acheté une sorte d'oignon vert. La partie blanche, elle mesure un pied. Puis après ça, la feuille verte doit mesurer trois pieds. Fait que là, eux, ils ont coupé du vert tellement c'est long. Puis ça mesure, disons, deux pieds. Puis ils nous vendent ça pas cher. Puis là, j'ai acheté ça parce que j'ai vu qu'il y avait les racines dans le bout. Donc, l'oignon vert, moi, quand j'en achète, je garde toujours les racines que je ressème pour leur... Ça repousse, puis j'en mange. Fait que là, j'ai acheté cette nouvelle sorte-là. Il y en avait trois dans le paquet, donc j'y coupe, je vais garder, puis je vais semer les racines, évidemment, dans un de mes pots de fleurs à la maison. Puis quand l'été va arriver, ben, je vais sortir dehors. Donc, c'est de la ciboulette, c'est comme de l'oignon vert géant. Donc voilà pour TNT Market. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avant d'aller chez TNT Market? Je vous le disais, je suis allé chez Comic Hunter. Bon, Comic Hunter, c'est comme ma sortie spéciale le samedi. J'adore aller là. Comic Hunter, c'est un magasin de comics, évidemment. Et comme je suis abonné sur Facebook aux choses du magasin, chaque jour, il y a une affaire spéciale. Je vous l'ai déjà parlé. Là, le lundi, c'est les Francofolies. C'est là qu'il vend il met en ligne les dessins des revues en français qu'il vend. Puis après ça, si personne les achète, ben là, il met ses tablettes. Mais ben souvent, moi, je trouve des choses là, puis tu fais juste écrire « mêler dans ma réserve » puis me le mettre de côté. Fait que là, quand j'étais allé en fin de semaine, là, j'avais pour 50$ d'achat là, déjà fait qui m'attendait. Qu'est-ce que j'avais dans mon bac? Ben, j'avais fait mettre de côté, vous savez, moi je trippe sur les dessins de la série Gru. Gru, il y a 120 livres dans la série 1. Après ça, il a fait des séries de 4. Puis là, je n'ai acheté une. C'est une série de 4. C'est Gru, c'est marqué Hell on Earth. Donc, l'enfer sur Terre. Puis il y a 4 numéros. Il vendait ça 20$, mais à l'origine, il coûtait 3 US. Ça veut dire 3 x 4, 12 US. Bon, c'est quasiment le même prix qu'acheter 9. Là. Fait que ça, j'ai bien hâte de le lire. Les dessins sont magnifiques. C'est récent. Ça date de quand? Hell on Earth? Ça date de 1900. Non, ça doit donner des années 2000. Imprimé au Canada. Sergio Aragonés, c'est celui qui écrit l'histoire. 2007, OK. C'est quand même vieux, mais c'est une nouvelle série. Après, les couleurs sont magnifiques parce que 1 à 120 sont imprimés sur du papier, là, un peu plus papier journal, puis les couleurs sont moins belles, mais passé les 1 à 120, qui est sa série originale, toutes les autres sont magnifiques. Puis la dernière fois que je suis allé chez Comic Hunter, pas en fin de semaine, mais l'autre d'avant, sur le mur où ils mettent les comics un peu plus recherchés, tout ça, j'ai vu qu'il y avait le numéro 1 de Gru. Puis moi, je l'avais pas, parce que moi, j'achète ceux à 3-4$. Puis là, le numéro 1, il le vendait 25$. Fait que je l'ai acheté la dernière fois. Donc, j'ai maintenant le numéro 1. Je ne l'ai pas lu, mais je pense... Parce que je les ai toutes en format électronique. Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Bref, il est rendu sur ma table de chevet pour le lire, avec les autres que je viens d'acheter. Hell on Earth. Donc, si vous cherchez quelque chose de vraiment beau au niveau des dessins, et au niveau de l'histoire, c'est toujours, toujours très bon. C'est un héros qui a un sabre, puis il est vraiment gaffeur, mais il s'en rend pas compte qu'il fait des gaffes. Puis c'est ça, c'est dans l'époque médiévale, puis il se promène avec son chien, puis il crée de la bisbille un peu partout où il passe. Ce qui est le fun avec Gru, c'est que les 1 à 120, c'est toutes des histoires qui se suivent pas, donc tu peux acheter n'importe quel numéro, le lire, puis t'as l'histoire au complet. Tandis que les nouvelles séries, c'est majoritairement des 1 à 4 ou des 1 à 6. Donc, c'est pas mal ça. Moi, je les achète quand Comic Hunter fait des bundles où ce qui met les 4 ensemble. Comme ça, je suis sûr d'avoir la série complète pour la lire. Ou sinon, ben je m'abonne dès que je sais qu'il va en sortir un, parce que la boutique m'envoie qu'est-ce qui arrive le mois prochain. Donc, dès que je vois qu'il y a un gros, ben je m'abonne pour l'acheter. Puis, dans ce temps-là, je pense qu'on a un rabais de 15% sur l'achat vu qu'on commande d'avance. Donc, à date, j'ai tous les nouveaux. Les derniers, c'était Gru in the Wild. J'ai les 4 sur mon bureau à lire aussi. Bon, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'avais fait mettre de côté le journal des expos. Ça date de quelle année, ça? Bon, ça, c'est comme une maladie que j'ai. Quand je vois des vieux journaux, j'adore ça, acheter ça. La dernière fois, il avait reçu un gros bundle de journaux. J'ai acheté des journaux de 1973. C'était quoi? La Gazette, puis un autre. Puis moi, j'aime ça. J'y regarde, j'y lis un peu, puis après ça, j'y mets dans ma boîte à vieux journaux. Puis là, le journal des expos, ce qui est intéressant dedans, c'est quand même vieux, lui. C'est la saison 1988. C'est une grosse revue de 108 pages. Dedans, il marque le gérant, c'est Buck Rogers, je le connais pas. Moi, j'ai connu la période avec Alou, je sais pas trop, puis son fils, là, quand ils ont gagné. Mais celui-là, puis ce qui m'intéressait ce qui est intéressant, que je voulais vous montrer, c'est que on peut acheter nos billets d'avance pour les expos. Puis ça, en 1988, là, il nous montre un dessin du stade, puis tu peux acheter tes billets. Bon, dans les estrades populaires, ça c'est dans le champ en arrière, là, quand il y a un coup de circuit et que tu peux attraper la balle, les billets c'est 1$. Après ça, quand on se rapproche un peu, c'est 4$ d'un côté. Après ça, si tu veux siège réservé dans les oranges, 6,75$. Puis si tu veux être en arrière dans les bleus, là, dans le parterre directement à côté, c'est 12$. Fait que dans le plus cher, en 1988, pour aller voir les expos, tu payais soit 12$ pour être direct en arrière du marbre, ou tu payais 1$ pour être dans le champ. Pis c'est ça, dans la revue, vu que je m'intéresse maintenant au piano puis au synthétiseur, tout ça, depuis que je suis mes cours de piano, j'ai vu qu'il y avait une page qui parlait du piano que le gars des expos utilise. C'est marqué « Le deuxième entraîneur officiel des expos ». C'est écrit « En 1985, la compagnie Wersee mettait au point une nouvelle technologie dans le domaine des orgues qui allait transformer radicalement cette industrie. » Ça dit « Si vous passez au stade, laissez-vous entraîner par la musique de Fernand Lapierre, l'organiste attitré des expos de Montréal qui réussit de fascinantes acrobaties musicales sur son nouvel orgue Wersee Delta. Cet instrument qui ne deviendra pas désuet de sitôt, permet de produire une incroyable diversité de sonorités. » Donc, quand j'ai vu ça, j'ai cherché le nom du gars, Fernand Lapierre, sur YouTube, puis pour voir son piano, puis exactement celui de la revue. Bon, c'est logique, là, ils ont mis pour nous en parler. Donc, on écoute... Il appelle ça comment? La musique officielle des expos jouée par Fernand Lapierre. Donc, on écoute ça, puis on revient après. « Voilà, c'était un beau souvenir, la musique des expos. Moi, je me souviens d'être allé une fois aux expos pendant que ça jouait encore, qu'on avait encore l'équipe. Je me souviens que j'étais allé avec mon ami Nicolas et sûrement d'autres personnes. Je ne sais pas si Martin était là, probablement, mais je me souviens en tout cas de Nicolas qui était là. On avait jasé tout le long, c'est mon souvenir. Moi, je ne trippe pas baseball, mais on avait écouté le match, j'imagine, tout en jasant, assis dans le champ. Voilà pour le baseball. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre de la boutique Comic Hunter? J'ai ramené plusieurs des livres Comicorama. Ça, j'ai acheté ça dans la section en français. Ça, c'est la compagnie Héritage qui traduisait certains comics comme Popeye ou Tartine, puis qui nous les repassait en français. Fait que j'ai acheté Comicorama Capitaine Popeye. Sur la couverture, on voit son petit bébé qui est là, qui dit « Directement du producteur au consommateur ». Puis là, tu vois Popeye qui est en train d'arroser un arbre sur lequel il pousse des cannes vraiment en métal d'épinards. Puis l'autre que j'ai acheté, c'est Capitaine Popeye. Lui, contient marqué numéro 3 de Popeye, 35 sous. Puis l'autre, il contient quoi? Il n'y a pas de numéro. Pis là, c'est ça, je me suis aperçu que c'était un peu une arnaque, Comicorama. Ben, j'ai acheté aussi Comicorama Tartine. Tartine, ça, c'est une grand-mère qui m'a... Elle, je ne sais pas si ça a rapport aux bananes. En tout cas, elle était forte aussi. Mais là, dans Comicorama Tartine, si je l'ouvre, il y a l'histoire de Tartine, évidemment. Puis quand je vois plus loin, on trouve d'autres histoires de d'autres bonhommes. Mais sauf que c'est les mêmes histoires que j'ai dans mes Popeye. Donc, eux autres, ils ont comme acheté un certain nombre de comics qui ont le droit de traduire et de repas et d'imprimer. Mais là, ils font des gros livres. Ils mettent certains nouveaux en première page. Puis pour meubler la suite, ils repassent les mêmes. Fait que dans mes Popeye, j'ai les mêmes histoires que dans mes Tartines, puis ça se recoupe. Donc c'est un petit peu l'arnaque. Mais bon, on s'en rend pas compte si on achète juste un. Là, mais bon, moi, c'est pas j'en ai acheté trois, puis je suis tombé par hasard sur les mêmes histoires. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est sûr, j'ai acheté des bandes dessinées. Puis là, ça trahit un peu mon âge. J'ai acheté une BD qui s'appelle « Une aventure de Félix le chat ». Elle s'appelle « L'héritage de Félix ». Bon, Félix le chat, c'est un des... Lui, il a été créé, Félix, avant Mickey Mouse, si je me souviens bien. Puis quand Walt Disney a créé son Mickey Mouse, ben Félix, c'est mort un peu ses affaires. Donc, j'ai une bande dessinée, en date de quand celle-là? 1971. C'est quand même en couleur, c'est joli. Puis bon, il y a Félix avec ses deux neveux, c'est un peu comme Donald avec ses trois neveux. Puis il arrive des choses. Puis l'autre, j'ai acheté un autre BD, Une aventure de Tony la Flamme. C'est marqué Le monstre du Volapük. J'ai regardé sur le site BD Tech. Puis, je sais pas le prix, combien... Moi, j'ai payé 5$, là. Mais à date de 1974, celle-là. Et il y en a plusieurs. Moi, ça, le monstre, c'est le numéro 1. Mais je l'ai acheté simplement parce que les images sont belles dedans. C'est très coloré. Les dessins ressemblent un peu à Spirou. Puis là, c'est une histoire d'un monstre qui envahit une ville, là. Une histoire quand même assez classique. Mais il y a beaucoup de pages. Oui, à plus que 45 pages, celle-là. Donc, j'ai bien hâte de la lire. Donc, est-ce que ça fait le tour? Non, j'ai... Ah oui, c'est ça. Quand on sort de la boutique Comic Hunter, si jamais vous y allez, les choses que lui, il juge qu'il ne vendra pas, il les met dans un rack à la sortie, mais moi, je ramasse plein de choses. Là, qu'est-ce que j'ai ramassé dans les racks gratuits? J'ai ramassé trois sélections de Reader Digest. Pourquoi je les ai ramassés? Ça, c'est les numéros de 1961, octobre 1961, août 1961, puis mai 1967. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, mais la sélection de Reader Digest va arrêter de publier. Il publie depuis quand? Si je vais dans le Control Room et je regarde sélection du Reader Digest Wiki, juste pour savoir depuis quand il publie, lui, au Canada. Le Reader Digest ou sélection du Reader Digest pour les francophones est un magazine mensuel de type familial généraliste. Ah oui, le format, bon oui, 5 pouces et demi par 8 pouces et quart. Histoire, alors qu'il se rétablissait de ses bénéfices durant la première guerre, il y a quelqu'un qui a inventé ça. En août 2005, ils ont fêté le 1000e numéro. Initialement, on pouvait l'avoir juste par correspondance pour 25 sous. Le magazine fut proposé dans les kiosques en 1929. Donc, le premier numéro, il date de 1922. Diffusion, 8,1 millions d'exemplaires. Donc, je sais pas, moi, ma mère en achetait quand j'étais plus jeune. Puis dedans, ce qu'on retrouve, c'est des histoires. Il y a toutes sortes d'histoires. Puis c'est des histoires qui étaient pas trop longues à lire. Il y avait des conseils, des trucs. Donc, si j'en prends une au hasard, votre tension artérielle et vous. Grâce aux nouveaux progrès de la médecine, on n'est plus sans défense contre l'hypertension. Donc là, on a un article qui combien 1, 2, 3, 4, 5 pages, puis qui nous explique, bon, l'hypertension, puis ça se termine avec des petites blagues. Les gendarmes rient. Un automobiliste roulait tranquillement dans son antique taco quand un agent de police lui fit signe de s'arrêter. Inquiet, il se rangea le long du trottoir. « Ne criez rien, lui dit l'agent. Je veux simplement savoir l'effet que ça me ferait de remonter sur un marchepied. » Oh là là, je comprends même pas la blague. Ok, est-ce qu'on en lit une autre ou c'est vrai? Ok, on en lit une autre, là, j'espérons que c'est drôle. Nous étions en retard pour la messe et demandâmes à un agent de police où nous pouvions garer notre voiture. Sur un ton plein d'onction, il nous répondit « Cherchez et vous trouverez. » Bon, c'est comme une petite blague religieuse. Hey, c'est moche. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh, profitez sans tarder. Des avantages du club du disque RCA Victor. Ah oui, c'est un peu comme dans le temps où tu t'inscris dans un club de livres ou un club de disques. Là, tu payes, les premiers sont pas chers, puis après ça, il faut que tu payes gros prix pour le reste. Là, bon, là, c'est pour avoir des 45 tours des disques. Profitez sans tarder. Choisissez parmi ces disques-là pour seulement 1,87$. Le prix par disque est seulement de 37 sous et demi, plus un léger supplément pour moi. Si on s'inscrit, club du disque RCA, veuillez m'envoyer les 5 disques RCA Victor dont j'ai inscrit les numéros. Donc là, il y a des dessins. Ok, il y a 3 pages avec des dessins de disques. On va s'en choisir 5. Ce serait bon. Donc, Della Reese, c'est une madame noire avec des beaux attributs. Mondo. Comos, je connais pas ça. Monsieur Lucky, musique pour dîner. Strauss, les drums africains. Sherazade, ok, on va prendre ça. Sherazade, ça c'est de la musique classique. Ok, on a un. Mondo, ça fait pitié. Enrico Caruso. Non, ça a l'air d'être de la musique espagnole. On va prendre ça. Deuxième. Les Trois Soleils. Non. Am Brace Sing Famous. Non. Wanda Landowski. Je connais pas. Les Brothers Dave Gardner. Non. Hey, de la marde. Moi, je paye pas 36 cents pour ça. Bon. Puis là, c'est ça. Veuillez m'envoyer ces 5 disques pour 1,87$ plus un léger supplément. Bon, mais il faudrait que tu me dises combien ça coûte. Si tu écris l'autre bord, bon, c'est déjà payé pour le retour. Ça a coûté 6 sous pour un thème, c'est déjà imprimé. Après cela, chaque fois que j'aurai acheté 2 disques de plus, j'aurai droit à un disque gratuit que je choisirai. Mon dos, c'était pas cher. Hey, ça me fait penser justement. Dernièrement, chez Renaissance, il y a quelqu'un qui s'est départi de sa collection de disques, puis qui les a ramenés, mais il y avait une grosse collection des disques de Michael Jackson. Puis il y avait un disque, c'était les Jackson et Kellogg. Fait que c'est un disque qui est promotionnel. On voit les 5 frères Jackson, puis ils sont sur le disque avec les produits Kellogg. Mais là, la boutique Renaissance, ils ont mis ça en vente 100$. C'était ça, 102$, je pense. Puis j'ai dit, ça se vendra jamais. J'ai regardé sur le site Discogs, là, où est-ce qu'on peut mettre notre discographie, puis qui donne un exemple des prix. Le disque, il se vendait entre 14 et 200$. Ben, croyez-le ou non, Renaissance, j'y vais souvent. Après une semaine, le disque était disparu. Il a été vendu à 102$ ou 100$. Fait que eux, ils avaient vu que c'était un disque quand même recherché, puis ils l'ont mis à la moitié du plus haut prix que ça se vendait, puis ont réussi à le vendre. Quand même, j'étais découragé. Hey. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On termine ça pour la section BD. J'ai ramassé aussi des cochonneries. Marquee, c'est une revue Marquee, volume 8, numéro 5, juin 1983. C'est marqué John Travolta and Staying Alive. T'as John Travolta qui est torse nu avec un bandeau. C'est une image du film. Si on tourne, bon, ça parle de quoi? Ça parle de cinéma. Évidemment, avec une belle image de pub, de cigarettes, les cigarettes Dunhill King Size, 25 cigarettes. Ça a l'air d'une bonne sorte, là. Ça me donne le goût, ça. Après ça, il y a un article sur Staying Alive. Pourquoi je ramasse ça, vous allez me dire? C'est que, parfois, quand je fais des toiles, on en a fait une dernièrement pour un devoir d'école à mon gars, qui est au cégep. On prend des revues comme ça, puis on découpe des images, on les colle, on met de la potée, là, c'est un genre de colle, c'est du mod pod, on met ça par-dessus, puis ça fait coller l'image sur la toile, et après ça, on dessine, fait qu'on a un fond qui est fait en BD, puis, mais c'est ça, moi je ramasse ces revues-là gratuites, parce que ça fait beau un fond avec John Travolta qui est là. Puis souvent, on fait juste une bordure en bande dessinée, puis dans le milieu, on dessine notre dessin, puis on peint ça. Oh, qu'est-ce qu'il annonce? Retour du Jedi qui sort? Ben oui! On est en quelle année? 83, le Retour du Jedi est au cinéma? Ben oui! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, un film qui vient, il parle d'un film qui s'appelle Psycho 2, d'Anthony Perkins. Moi, les films d'horreur, je suis pas capable. Quand je vais au cinéma puis c'est un film d'horreur, à chaque fois je suis obligé de sortir puis j'ai le goût de vomir. Le dernier que je suis allé voir puis que depuis ce temps-là je me suis dit que je ne retournerai plus jamais, c'était Blair Witch Project. On était allé plusieurs ensemble voir ce film-là et j'ai dû sortir parce que j'avais mal au cœur. Quel autre film qu'il y a? Un film de Burt Reynolds. Ouais, il était quand même populaire dans ces années-là. Oh, on dirait qu'il y a John Candy avec lui, c'est ça? Le film, c'est Stroker Ace. Y a-tu John Candy? Il y a un bonhomme qui ressemble. Non, c'est pas lui. OK. On finit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le film Le Parrain. Oh! Le film chez Porky 2. Porky 2, The Next Day. Ouais, moi, j'ai réécouté Porky. Il est sur Netflix, je crois. Le 1. Puis c'est comique quand même, Porky. C'est des jeunes qui sortent dans un bar qui est tenu par un monsieur Porky, là, évidemment. Mais c'est juste des niaiseries. OK, on sert ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes cochonneries? Ça, c'est un peu... je sais pas pourquoi j'ai ramassé. Ça s'appelle Take One. C'est une revue de cinéma. Puis dessus, c'est marqué... Ça date... c'est marqué The Film Magazine. C'est une revue britannique. C'est marqué les frais de postage ont été payés pour Montréal. Ça se vend 25 sous à Montréal, puis 2 sixièmes in UK. 2 sixièmes de livres, j'imagine. Puis sur la page, j'ai deux revues. J'ai celui de volume 3, numéro 2. Il n'y a pas de date. Mais c'est marqué Ultimate Godard. Godard, je pense qu'il fait des films un petit peu spéciaux. Fait qu'il y a plein. Il en parle pendant plusieurs pages. C'est quasiment toute la revue est sur Godard. Puis là, c'est rempli d'affiches de films un peu bizarres qu'on connaît pas. Fait que ça, c'est plus pour ceux qui connaissent le cinéma. Puis moi, j'ai ramassé ça pour mettre dans mes vieux journaux. Et voilà, ça fait le tour de mes cochonneries. Ça fait le tour de Comic Hunter. Donc, on part en pause, puis au retour, de quoi je voulais vous parler? Je sais plus, j'ai oublié, mais j'y pense durant la pause. Et au retour, on en parle. Donc voilà, on part en musique. Perdu, piqué à l'encre noire, des fleurs sauvages. dans le Lobster 141.0 pour le dernier bloc de discussion que j'avais à vous faire. Je voulais vous parler de Twitch. Ouais. Je voulais vous parler des gens que je suis sur Twitch. Bon, Twitch, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Twitch, je pense que c'est Amazon qui possède Twitch. Ah oui, c'est Amazon parce que on peut, quand tu es abonné à Amazon Prime, tu peux aller sur Twitch et t'abonner à un streamer de Twitch avec sans payer. Tu as le droit d'encourager une personne avec ton abonnement Amazon Prime. Donc, c'est Amazon qui possède Twitch. Puis Twitch, c'est quoi? Ben, c'est une place où ce que les gens se connectent puis ils streament. Là. Tu vois, les influenceurs sont là puis ils partagent du contenu. Ils sont en direct puis tu les regardes. Puis je voulais vous parler un peu de ceux que moi, je suis. Mais avant, on peut parler un peu comment ça fonctionne Twitch là, parce que les gens ils font de l'argent avec ça. Bon, bien sûr, tu peux diffuser gratuitement si tu veux. Ça coûte rien. J'ai déjà essayé pour le plaisir là, de setter une chaîne. Puis ça fonctionne bien. Tu as tous les outils pour streamer. Tu peux faire des fenêtres dans lesquelles tu passes une vidéo. Toi, tu es dans l'autre, etc. Ça fonctionne super bien. Ceux qui font de l'argent avec ça, ben au départ, pour faire de l'argent, il faut que tu deviennes affilié avec Twitch. Pour être affilié, il faut que tu aies 50 personnes qui s'abonnent à ta chaîne. Il faut que tu aies streamé au moins 500 minutes sur 7 jours différents au cours des 30 derniers jours. Puis quand tu as fait tes streams, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes qui le regardent. Fait que ça, quand tu fais ça puis que tu es assez connu, tu as assez d'abonnés, tu deviens affilié. Puis ça te permet d'avoir 30% des abonnements quand les gens ils s'abonnent. Bon, comment ça marche? Quand tu veux encourager quelqu'un que tu aimes bien, tu t'abonnes, puis ça y donne. Ça coûte entre 5 et 25 piastres US. Là, il y a différentes affaires. Mais là, habituellement, là, ça nous coûte en canadien 5 à 6 $ pour s'abonner à quelqu'un. Puis lui, chaque mois, il reçoit cet argent-là, mais il ne reçoit pas tout. Quand tu es affilié, là, les conditions que j'ai nommées tantôt, il reçoit 30% du montant. Fait que c'est quand même pas beaucoup. Là. Si 10 piastres, il reçoit 3. Puis le 7 piastres, ça va à qui? Ça va à Amazon. Eh oui. Puis sinon, pour faire plus d'argent, il faut que tu deviennes partenaire. Pour devenir partenaire, c'est un step de plus. Là, il faut que tu aies fait au moins 8 streams qui sont différents, qui, eux, au lieu d'avoir 3 viewers, il faut que tu en aies au moins 75 sur une période de 30 jours. Donc, il faut que tu aies beaucoup plus de gens qui te regardent. Mais si tu remplis ces conditions-là, là, tu ramasses, au lieu de 30%, tu ramasses 50% des abonnements des gens qui s'abonnent. Puis l'autre moyen aussi de faire de l'argent, c'est avec les bits. Par exemple, disons que tu veux envoyer un message qui va s'afficher devant tout le monde. Tu peux payer 100 bits, puis ça l'affiche. Mais le 100 bits, ça équivaut à une pièce à peu près. Puis là, lui reçoit 30 sous ou 50 sous, puis le reste va à Amazon. Fait que ça, c'est la manière qu'ils font de l'argent. Fait que ceux qui ont beaucoup de streamers, ben, en tout cas, j'ai vu une étude, quelqu'un qui a environ 3 à 5 000 personnes qui le regardent à chaque fois qu'il stream, dont des gens assez populaires, ils vont faire un salaire de 27 000 $ en moyenne par année. Donc, plus tu montes, celui qui était populaire sur Twitch, je pense qu'il s'appelait Ninja avant d'aller ailleurs puis revenir, mais lui, il gagnait 9 millions par année à streamer du League of Legends, je pense. C'était des jeux. Bref, ça c'est Twitch. Puis, qu'est-ce que je regarde? Moi, un que j'aime bien, quand tu arrives dans Twitch, tu t'inscris, nanana, puis là tu peux chercher. Moi, j'ai cherché dans les affaires québécois, évidemment. Puis, un que j'aime bien, c'est Pépé et sa guitare. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est un chansonnier qui chante. Puis lui, il a sa chaîne, il stream 2 fois à peu près par mois, 3 fois. Il fait des shows de 2 heures, puis il y a des personnes qui y vont. Comme dans son dernier stream, là, je regarde en ligne, je pense que Mike Ward est avec lui. Lui, Pépé, il est toujours avec sa copine qui chante aussi. Fait qu'ils sont, dans son sous-sol, il a tout son setting avec sa guitare, puis sa copine qui chante. Puis là, il y a des invités, des fois, il est tout seul. Le dernier que j'ai écouté, c'est le 12 jours. Là, il avait reçu... c'était Pépé et sa guitare, il y avait sa fille. Sa fille est venue chanter des chansons qu'elle avait apprises. Puis il y avait mon oncle Serge, c'est ça, c'était mon oncle Serge qui était là, qui lui avait amené sa guitare aussi. Puis là, les deux faisaient de la musique ensemble, c'était vraiment bon. Puis habituellement sur Twitch, tu peux regarder les shows qui ont été enregistrés, mais Pépé et sa guitare, pour les revoir, faut que tu sois abonné. J'ai essayé de les revoir tantôt, mais fait que lui, c'est bien seté. Si tu veux revoir ce qu'il a joué, ben il faut que tu sois abonné. Il faut que tu payes le 5-6$ par mois que lui reçoit. Que ça l'encourage, ça le permet de. Je sais pas quoi. Donc c'est ça. Sinon, quand tu peux avoir des notifications, puis quand on sait qu'il est en ligne, ben là, disons que tu reçois une notification, c'est-à-dire qu'il est là, là, tu peux regarder son show gratuitement sans avoir à payer. Moi, c'est souvent, je le pogne comme ça. Ça, c'est Pépé et sa guitare. Regarde, je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça ressemble, ces shows. On écoute. On va vous amener à Twitch, mais on va vous convaincre. On va trouver des phrases fortes qui vont vous interpeller des phrases clés. Qui vont débarrer les portes de votre esprit. Bon, c'est con, vraiment. Dans la cave à Pépé, c'est là qu'on se réunit pour chanter, pour jaser, se retrouver entre amis. Ça coupe la semaine en deux, c'est à la bonne franquette. Ça aide à sentir mieux, pis c'est pas interdit de se prendre une frette. Le cœur au pile français pour lire vos commentaires. Félix est souvent là pour venir nous dire bonsoir. Ça dure quand même un bout, fait que faut bien que tu t'installes. Je les joue pas tout le temps toutes, mais je fais beaucoup de demandes spéciales, ok? Ok, un autre que j'aime bien écouter sur Twitch, c'est Elvino Movie. Bon, Elvino Movie, c'est quoi? Si je regarde sa bio, c'est marqué spectacle de marionnettes en super marionoscope Elvino Movie avec Vino et Vinette. Bon, Vino, c'est le gars. Vinette, c'est sa copine. Elle, on la voit pas vraiment. Des fois, elle vient, mais elle fait juste une main, d'une main qui sort à l'écran, puis elle fait bouger sa main. Mais lui, Elvino, il y a plein de marionnettes. Il y a Petit Gars, il y a le cercle, en tout cas, il y en a plein. Puis là, il fait des spectacles où il improvise des choses, mais il dit juste des niaiseries, puis c'est, évidemment, c'est 18 ans et plus. Là, il parle un peu n'importe quoi. Puis une des choses que moi j'ai commencé à l'écouter dernièrement, une des choses que j'aime bien, c'est qu'il y a un Discord aussi qui est lié à sa chaîne. Puis dans Discord, les gens lui envoient des choses, des vieilles pubs. Puis là, il en prend, quand il prend les pubs que les gens lui envoient, il l'écoute dans un logiciel de montage, puis là, il refait les voix par-dessus. Fait que je vais vous faire entendre là, des genres de pubs qu'il a refaites. C'est quand même assez drôle. Là. C'est tout le temps des pubs des années 80, des vieilles affaires, genre t'as un gadget qui permet de fourrer une dinde, de mettre du jus dans la dinde, ben là, il va faire le doublage. Ou t'as un vendeur de char, ben il fait le doublage. Un vendeur de meubles, il fait le doublage. En tout cas, je vais vous faire jouer des exemples après ça. Puis je vais vous faire aussi jouer des exemples de ces shows de marionnettes parce que c'est vraiment comique. Avec certaines marionnettes, il y a des choses vraiment spéciales. Il y a la marionnette Tyler, elle. Tyler, c'est comme un vendeur de marché aux puces. Puis là, Elvino, lui, il se cache tout le temps. Il anime sa marionnette puis, qui est devant un green screen. Puis là, il met un fond de marché aux puces. Puis là, il y a des objets à vendre. Ça, c'est les objets à vendre, c'est les gens ils mettent ça dans Discord. Puis là, lui, il vend, il invente des choses. Mais les objets à vendre, c'est tout le temps des cochonneries, des affaires bizarres. Puis là, il fait un show là-dessus. Puis ses spectacles durent à peu près, gars, je regarde, 3h30. Lui, t'as pas besoin d'être abonné pour les revoir. Fait que j'y réécoute souvent par la suite. Je me connecte, puis je réécoute tout ce que je suis rendu. Sinon, il y a un autre de ses affaires où ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'est que il est devant un green screen qui a modifié. Fait que là, on voit Elvino qui est comme assis dans un chairlift là, pour monter en haut d'une montagne de ski. Puis il discute, puis là, il dit aux gens « Sauvez-moi ». En tout cas, il invente des niaiseries. Là. Mais il est bon improvisateur. Puis il fait intervenir ses marionnettes souvent. Puis il y a des settings. comment dire, il est vraiment rendu à point. Je sais pas s'il y a un plateau devant lui avec des pitons, parce qu'il est capable de changer toutes ses caméras puis de cibler juste sa marionnette, juste le visage de Yun. Puis il y a même il anime plusieurs marionnettes en même temps, mais lui, évidemment, il est capable d'en animer juste une, mais il a enregistré des vidéos qui nous passent, puis ça n'a pas l'air d'être une vidéo. La marionnette est juste là, mais elle bouge. Fait qu'il a filmé sa marionnette qui bouge pendant plusieurs heures, puis là, il fait le vidéo, il est comme vraiment bien découpé, puis on... Fait que la marionnette est là, puis là, ça lui permet de parler à une ou à l'autre. Fait que l'interaction est quand même bonne. Donc, c'est ça. Elvino, c'est spectacle de marionnettes. Ça s'appelle Elvino Movie, si vous cherchez. Donc, on écoute aussi des exemples de qu'est-ce qu'on peut entendre sur sa chaîne. Entrez, prenez place. Bonjour, prenez bonjour. Place. Bienvenue chez Roger Robert, sexologue. Oui, enfin, je le rencontre. Bien heureux de vous recevoir ici. Okay. Hein? Oui. Dans mes quartiers. Oui, c'est très joli d'ailleurs. Oui. Wow! Bon. Allons-y tout de suite. Allons-y. Quel est votre problème, mon cher? C'est un tout petit problème. C'est que moi et mon conjoint, lorsqu'on vient pour faire des cossonneries, hein, je vois. Quand on fait l'amour, on fait du roleplay. On fait beaucoup de roleplay. Parce que lui, c'est un streamer qui aime beaucoup faire du GTA-RP. C'est excitant. Et il me prend, confond tout le temps avec ses personnages. Oui, oui. Il veut que je l'appelle monsieur. Il veut que je il pense que je suis comme son employé. Oui, il me force à faire des affaires que j'ai jamais fait dans ma vie sexuelle. Je veux dire, des fois, là, j'en suis irrité. Je suis irrité. Oui. Et je me demandais comment qu'on pourrait le ramener sur la terre pour lui dire, regarde, si tu fais des fonctionnements, ça n'a pas de bon sens. C'est bien beau le roleplay, mais des fois, ça irrite un peu. Puis j'aimerais ça que ça revienne comme avant, dans le fond. Parce que de ce temps-ci... Écoutez, il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Je vois très bien. Oui. Que ça pourrait être. Ah, vraiment? Mais bien sûr. Ah! Je suis Roger Robert, sexologue. Sexologue? Oui, c'est pour ça que je suis ici. Ah, mais pour ça, il faut faire une deuxième consultation. C'est très, très cher. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est très cher. Je n'ai peut-être pas les moyens. Il y a d'autres méthodes de paiement, bien sûr. D'autres méthodes de paiement, vous dites? Regardez, par exemple. Oui. Voyez le loup sur la commode là-bas, là. Oui. Oui. Oui, oui. Ah ben, vous enfilez le loup. Oui. Vous vous mettez à genoux et hop! Ah. Et voilà. Méthode de paiement. Ah, je voyais pas ça de même. Ben, des fois, il faut ce qu'il faut. Hein. Oui. Je suis Roger Robert. Sexologue. I have a job for you. Faire les marionnettes, faire de la musique. C'est grâce à vous si on peut le faire ici sur Alvino Movies. Love, love tabarnak. Et on va passer à une pause commerciale qui va vous rappeler que dans vie, on peut fourrer des affaires. Vous êtes tanné de manger de la semelle de botte? Eh bien, plus maintenant, grâce à Creme Pie Pro, vous pouvez creme pie-er tous vos aliments. Avant, fallait mettre la dèche de tous les messieurs de la maison dans le même petit pot pour faire une bonne marmelade. Plus maintenant, grâce à Creme Pie Pro, avec Creme Pie Pro, regardez comment je le remplis à ras-bord. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Regardez, une fois tranché, comment c'est bien creme pie-er. Même le filet mignon. Lorsque vous allez injecter dans la viande, vous allez lâcher des cris de jouissance. Et même fourrer le jello des enfants. Les enfants en raffolent! Les soirées de sexe avec ma femme n'ont jamais été aussi érotiques depuis que je fourre les desserts des enfants! Regardez comment Suzanne adore mes éclairs au chocolat et lorsque je fourre mes petits beignets à la fraise! Avant, faire du pain à l'ail était compliqué. Plus maintenant, lorsque j'éjacule dans chaque craquois du pain! Avant Cream Pie Pro, tous vos aliments étaient en noir et blanc. Ah, plus maintenant, tellement de couleurs scintillantes. Depuis que je me le suis procuré pour seulement $19.99, je Cream Pie tout ce qui bouge dans la maison. En ce moment, je suis en train de Cream Pie-er l'annonceur de cette publicité. Ah tiens, justement, voici le facteur qui vient d'arriver. Penchez-vous, monsieur le facteur. Non, mais où allez-vous? En bonus, on offre une carte de vœux pour tous les nouveaux bébés engendrés. Effet secondaire non inclus, chlamydia, morpion, bébé non souhaité, pension alimentaire. Salut la gang, c'est moi, Showtime, je vends des meubles. Showtime. Hey, ce gars-là, il n'y a pas d'appartement, fait que j'y loue mon lit, sorte 9 piastres par mois et dors dans le magasin. Viens t'étendre. Tu veux une TV, puis un meuble pour mettre ta TV. J'ai tout ce qu'il te faut, puis ils sont gros, Grosse comme ma plotte. Tu veux te faire refroidir? Ben ici, on a tout ce qu'il faut. Même ma femme va te refroidir, ça sera pas long, man. Moi, te la refroidir, ta caquette. Hey, viens me voir, Showtime, va des meubles. Showtime. Bon, je sais pas si vous avez aimé les blagues d'Elvino, mais moi, je l'adore. C'est assez brut, c'est assez... En tout cas, moi, ça me fait bien rire. Sinon, ce que j'ai découvert dernièrement... attends, c'est qui? C'est lui ici. Ça s'appelle GM au piano. Attends, faut que je ferme le son. GM au piano, c'est qui? Je vais aller dans sa biographie. Mon nom est John Michael. Je suis le plus petit joueur de pianiste au monde. Je mesure 3 pieds 8. Bienvenue dans mon piano bar virtuel. Je joue entièrement à l'oreille. Ah, il y a des oreilles. T'as un nez avec des oreilles. Puis je joue des chansons pour vous. Lui, je l'ai découvert l'autre jour en revenant de mon cours de piano. Puis je m'assois puis je dis, ah, je vais regarder s'il y a des gens qui jouent du piano sur Twitch. Puis là, miracle, je tombe sur un nain qui joue du piano. Hey, ça avait comme pas de bon sens. J'ai dit, je vais l'écouter un peu, puis là, j'ai comme été pogné. Il est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Puis c'était drôle parce que quand je l'ai écouté pour la première fois, j'étais pogné une heure, j'étais plus capable. J'ai même amené mon téléphone dans mon lit, puis je continuais à l'écouter. Puis là, il nous disait qu'il avait mal aux jambes, puis là, lui aussi, il joue devant un green screen, mais là, il était obligé de remonter sa petite couverte sur ses jambes, parce que ses petites jambes, il faisait mal, puis là, ça me faisait rire un petit peu. Puis là, il a des gros doigts, mais il joue super bien du piano. Moi, c'est mon rêve, si jamais je peux me rendre aussi bon que lui. Puis lui, ce qu'il fait, tu peux payer 100 bits, tu peux payer une pièce si tu veux qu'il te fasse une toune spécifique. Sinon, on met des suggestions, genre si tu veux écouter « Ode à la joie » de Jean-Sébastien Bach, tu y écris, puis ça va comme dans une file, puis il les joue gratuitement. Fait que lui, il fait des spectacles qui durent environ, si je regarde ici, ces spectacles durent, vidéo, 2 heures, je pense, 4 heures de temps, 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Puis lui, il joue souvent. Il a joué hier, il a joué il y a 3 jours, il a joué il y a 5 jours, il a joué il y a 6, il y a 10. Fait qu'il joue quasiment tous les 2 jours. Lui, il y a 4300 gens qui le suivent. Il y a plein d'abonnés. Fait que lui, il fait de l'argent avec ça. Puis c'est ça. Quand les gens s'abonnent, puis qu'il y a plusieurs gens qui s'abonnent dans Twitch, ça décolle le train de la hype. Bon, c'est parce qu'il y a des gens qui donnent des abonnements à d'autres pour comme encourager la personne qu'on est en train d'écouter. Puis ça décolle comme un module de jeu dans Twitch. Et à ce moment-là, lui, il se met à... Là, on peut écrire les noms des chansons dans le chat. Puis là, il les joue. S'il les connaît, il les joue. Puis il fait comme un medley. Mais là, il change de une à l'autre. Fait que c'est ça que je vais vous faire entendre. Un medley du train de la hype. Quand il se met à jouer un peu n'importe quoi. Tu sais, il passe de Harry Potter à Star Wars à du classique. Donc, belle musique. Ça s'appelle... Lui, si vous le cherchez dans Twitch, il s'appelle JM au piano. Donc, on l'écoute. Golly, my arm is red just from, like, leaning on the keyboard. All right, so, now, yeah, 5 seconds should be plenty with this many people. So how these hype trends work? Just type songs in chat, and I'm just going to play it if I know it, and it'll be one long medley. I appreciate all of you all being here. Who wants to kick us off? ça c'était JM au piano. Puis ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que j'écoute sur Twitch. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. On peut cliquer par exemple sur québécois, puis là vous voyez beaucoup de streamers québécois. Donc il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez voir des gens qui jouent à des jeux, ça c'est moins mon style. Mais moi c'est plus musique, discussion, spectacle. Donc voilà, c'était le tour de ce que j'écoutais dans Twitch. Sinon, si on parle un peu de Patreon avant de terminer, moi je suis abonné aussi dans Patreon à des gens qui font des podcasts. Je suis abonné à Coup Critique et à Etu Game. C'est deux podcasts qui font c'est des gens qui jouent à Donjons Dragons. Et ils nous mettent en ligne leurs aventures. Mais c'est bon, là. C'est bon. Je ne sais pas comment vous dire. Vous pouvez les écouter gratuitement sur YouTube. Ils ont chacun leur chaîne, Coup Critique et Etu Game. Et ils font des campagnes dans Donjon 5e édition, des campagnes dans Vampire Mascarade. Ils jouent à des jeux de société. Ils font 100 000 affaires. L'avantage, quand tu es abonné Patreon, il y en a un que ça coûte... 6,50$, puis l'autre 5$, c'est que tu as les aventures à l'avance. Puis tu as aussi, ils enregistrent une fois qu'ils ont joué, disons, ils se rendent compte, ils jouent 3 heures de temps, mais après, ils enregistrent, ils appellent ça le Sunday, par exemple. Puis là, ils nous disent, bon, qu'est-ce qu'on a aimé dans cette game-là, nananana, dans ce 3 heures-là. Donc, ils nous donnent des hints, ils nous donnent des fois, on sait sur ce qui s'en vient, ils nous expliquent des choses. Parce qu'ils font beaucoup, il y a beaucoup d'intrigues dans leurs affaires de Donjons Dragons. Donc, tu as certains avantages là, d'être abonné. Mais en gros, moi, je m'abonne juste pour les encourager. Là. J'écoute toutes leurs. Ils ont une campagne. J'ai écouté la campagne de Waterdeep qui se passait dans Forgotten Realms. Ça, c'était magnifique. Il y a une des filles qui faisait un des personnages. Son personnage ne parlait pas, mais ça faisait toujours parler sa marionnette. C'est incroyable. Quoi d'autre? Et, ils font aussi, parce qu'il n'y a pas juste une campagne, là, évidemment. Il y en a deux ou trois, mais non. Dans Coup Critique, ils sont quatre, mais les cinq font chacun le maître de jeu à tour de rôle. Il y en a un qui fait du Donjon Dragon. Après ça, il y en a un qui fait du Vampire Mascarade. Après ça, il y en a un qui refait du... il appelle ça les archives de la crypte. Ça, c'est plus horreur. C'est des enquêtes, par exemple, dans Londres, au moment où ce que Jack l'Éventreur se trouve. Donc, il y a des affaires un peu paranormales avec des fantômes. Après ça, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Les gens de Etu Game, ça c'est eux, c'est ceux où il y a la fille là, qui faisait parler sa marionnette. C'était la campagne Waterdeep. Ils ont aussi fait toute la campagne de... Comment ça s'appelle? Où ce que... C'est dans Eberron? Ah non, non, non, non, non, non. En tout cas, c'est des vampires dans 5e édition, mais pas Mascarade. Je me rappelle plus du nom de la campagne exactement. Ah, c'est l'Estrade, quelque chose. Mais ils ont tout fait la campagne. C'est un gros livre qui se vend, là. Puis ils l'ont fait au complet, puis ça dure des heures et des heures. Et il est disponible sur Internet. C'est bon, c'est bon. Ils ont aussi fait, eux autres, une campagne. C'est des gens qui sont responsables d'un musée. C'est le musée de l'univers. Puis ils doivent comme ramasser des objets magiques pour les ramener au musée parce qu'ils ont été volés. Quelque chose du genre. Celui-là, je ne l'ai pas encore fini. Ben, en fait, je l'ai commencé puis je l'ai arrêté parce que j'ai switché sur du Donjon Dragon. Sinon, eux, ils ont aussi une campagne. Ils viennent de terminer la saison 1 qui a beaucoup d'épisodes qui s'appelle Gregenroth. Ça se passe... C'est une ville où ce que les gens... Les gens ont changé de dieu, puis ils ont des nouveaux dieux, mais les anciens dieux sont dans le sous-sol de la ville. Puis il y a des gardiens qui empêchent les gens de descendre dans le sous-sol pour aller réveiller les anciens dieux. Puis la campagne est toute articulée autour de ça. On vient de terminer la saison 1, puis là, ils commencent la saison 2 en février, mais il y a une vingtaine d'heures pour la saison 1. Fait que ça, c'est très bon. Puis ça, c'est la gang de Etu Game. Puis la gang de Coup Critique, ils ont aussi leur grosse campagne de l'année passée. Ça s'appelait Obélien. C'est un monde qu'ils ont inventé au complet. Puis là, en ce moment, ils ont changé de maître, puis ils font une autre saison 2. Ça s'appelle Les Duchés d'Obélien. Ça se passe comme 200-300 ans après les premiers événements où les héros sont morts. Puis là, le maître de jeu qui a switché. Moi, la première saison d'Obélien, je ne l'ai pas écouté parce que je détestais un des personnages. Le gars, il a fait un personnage hautain un peu, nanana. Puis je le détestais, je n'étais plus capable, j'ai arrêté de l'écouter. Mais là, je me suis aperçu, c'est les gens de Coup Critique, l'acteur, il est à TV, il est super connu, il joue dans les séries, des dramatiques le soir, mais moi, j'ai plus à TV, puis en regardant le biographie, j'ai vu que c'est tous des acteurs qui sont à TV, c'est pour ça qu'ils sont bons, ils ont tout un background de théâtre. Mais c'est quoi, je disais, ah, c'est ça, la saison 1 d'Obélien, je l'ai pas, il y a comme 83 épisodes d'une heure, ou quelque chose du genre, où j'ai abandonné à la moitié, parce que je détesterais trop son personnage. Mais là, le gars, il est devenu le maître du jeu de la saison 2 des Duchés d'Obélien. Puis le gars, il est vraiment bon maître de jeu, là, cet acteur-là qui est à la TV. Puis là, j'aime tous les autres personnages. Puis là, je sais pas, il y a combien d'heures que j'ai écouté, 23 heures, je pense. Là, on est rendu à la saison, ils vont poursuivre. Mais c'est bon. En tout cas, moi, je vous invite à les écouter sur YouTube. Si jamais ça vous tente de les encourager, ben, c'est dans Patreon. Donc, la chaîne critique de Coup Critique, la chaîne YouTube de Coup Critique, puis la chaîne YouTube de Etu Game. Voilà. Avec ça, avec Twitch, puis avec les Patreons, moi, je passe mes soirées devant l'ordi à faire mon punch needle, puis à écouter les affaires, plutôt qu'être devant la télé. Là, c'est mon substitut, c'est Twitch et les podcasts, le Patreon. Quand je dis podcast, ben, on peut l'écouter juste en son, mais ils sont aussi filmés. Ça fait qu'on les voit tirer le dé, on les voit interagir. Fait que c'est beaucoup plus intéressant là, de les voir. Voilà, donc ça met fin à ce Lobster 141. Merci d'avoir été avec moi. Je vous reviens dès que je peux. Je vais essayer de sortir l'épisode de Noël avec Foxy Mox. Et sinon, ben, je vous reviens avec un épisode normal bientôt. Donc voilà, merci de me suivre. They're bored by the butter's rule. moi je suis là, je suis sous la bicyclette, tout a un parfum incandescent, le cerveau égaré, l'alcool embrasé, je souris, je suis bien, comme si tout était fermé. Comme si tout était fermé.